voyage par temps de Grève, le voyage autour de ma chambre de Xavier Demestre. J'ai entrepris et exécuté un voyage de 42 jours autour de ma chambre. Les observations intéressantes que j'ai faites et le plaisir continuel que j'ai éprouvé le long du chemin me faisaient désirer de le rendre public. La certitude d'être utile m'y a décidé. Mon cœur éprouve une satisfaction inexprimable lorsque je pense au nombre infini de malheureux auxquels j'offre une ressource assurée contre l'ennui et un adoucissement aux maux qu'ils endurent. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Votre droit à la mobilité vous paraît-il contrarié? Il vous est impossible de vous rendre à l'endroit où vous êtes habitué à aller. Eh bien, c'est l'occasion de tenter un voyage autour de votre chambre. C'est le titre d'un petit livre, une manière de chef-d'œuvre, paru en 1795 à Lausanne, d'abord anonymement, mais l'auteur en fut vite connu, c'était Xavier Demestre. Son texte précédait de peu les considérations sur la France de son aîné, Joseph Demestre, qui était en train de poser les fondements de la pensée contre-révolutionnaire. Xavier avait moins d'ambition. C'était, il est vrai, par définition, un cadet. Cadet dans une famille très nombreuse, où il était surnommé Ban ou Baban, les Tourneaux, le Gobe-mouche en somme. Il était, comme Joseph, né à Chambéry en 1763. Chambéry était alors la capitale de l'État de Savoie, qui, au moment de la naissance de Xavier, était regroupée sous la même couronne avec le Piémont et la Sardaigne. Le pater familias était d'ailleurs président du Sénat de Savoie, et il avait la réputation d'être aussi sévère que son titre. Mais quand Xavier fait paraître son voyage autour de sa chambre, il n'y a plus de Sénat de Savoie. Les troupes françaises de Kellermann ont déjà occupé le pays. Et Xavier, qui sert dans l'armée de son pays, a dû se replier dans le Val d'Aoste, puis à Turin. Monsieur Philippe Soupeau vous parle du voyage autour de ma chambre de Xavier Demestre. Essayons donc d'esquisser le singulier destin de celui qui passe, à cause du titre de son ouvrage le plus connu, pour un sédentaire endurci. Xavier Demestre fut en effet un grand voyageur et bien peu de ses contemporains ont autant voyagé que lui et aussi loin. Voici ses itinéraires. Xavier Demestre est né à Chambéry le 8 novembre 1763. Son père était avocat général, second président du souverain Sénat de Savoie qui n'était pas encore rattaché à la France. Xavier Demestre, à 18 ans, opte pour la carrière des armes. En 1784, le jeune officier s'intéresse aux expériences des frères montgolfiers qui, en 1783, avaient réussi la première ascension en ballon libre. La même année, le jeune Xavier tente et réussit une ascension en montgolfière. Toujours intéressé par l'aéronautique, il songe même à se confectionner des ailes en batiste pour s'envoler vers l'Amérique. On doit souligner que dès sa jeunesse, Xavier Demestre aime imaginer, faire des projets, rêver, méditer. En 1799, Xavier Demestre quitte sa retraite turinoise pour servir dans l'état-major du maréchal russe Souvarov, qui avait obligé les Français à quitter Turin. Mais Souvarov, malgré ses victoires, est rappelé en Russie par le tsar fou Paul Ier, et Xavier Demestre suit le vieux maréchal à Saint-Pétersbourg, qui peu après meurt dans ses bras en 1800, quelque temps avant l'assassinat de Paul Ier. Xavier décide de ne pas retourner en France et de se fixer à Moscou, où il installe un atelier de peintre portraitiste. Car on ne doit pas oublier cet aspect de la personnalité de Xavier Demestre. L'auteur du voyage autour de ma chambre est un peintre habile et un très grand, très fervent amateur de peinture. Il croyait qu'il allait se retirer sous sa tente dans sa chère chambre de Moscou et devenir un peintre célèbre. Mais il reprend du service dans l'armée. Il est nommé colonel et on l'envoie dans l'extrême sud de la Russie, en Géorgie, se battre contre les insurgés et les Turcs. En 1812, il est envoyé dans le Caucase. Puis rappelé dans le nord, il combat les troupes de Napoléon, la fameuse grande armée, dont il décrira avec une très grande pitié l'horreur et les souffrances de la retraite. Après la Géorgie, le Caucase, la bataille de la Bérézina, Xavier de Maistre, le sédentaire, y commence à regretter ses voyages autour de sa chambre et ses expéditions nocturnes, est envoyé en Finlande. Après quelques mois, il renonce à la carrière des armes. Sa réputation d'écrivain grandit. On publie à Paris, en 1825, ses œuvres complètes. Ce succès l'incite à quitter la Russie pour la Savoie natale. Eh bien, le voyage à la verticale, vous savez, en nacelle, au-dessus de Châles-les-Eaux, ça doit donner des idées d'ailleurs aux marcheurs innombrables de nos villes aujourd'hui. L'atelier du portraitiste à la cour de Saint-Pétersbourg, un peu à la manière de Madame Vigée-Lebrun. Le rude métier des armes. On remarquera que Xavier de Maistre n'a pas manqué d'occupation. Ces quelques livres postérieurs au voyage forment avec lui un mince volume d'œuvres complètes, disait Philippe Soupeau. Ils paraissent presque accidentels dans un parcours mouvementé. Xavier n'a pu écrire que rarement, c'est à tous les points de vue un écrivain rare. Tous ses textes parlent de l'enfermement. La chambre des arrêts de rigueur à Turin, la relégation en Sibérie pendant sa période russe. L'enfermement, mais aussi les manières de s'en échapper. Xavier prendra ainsi grand plaisir à raconter la possibilité de retour de Sibérie. Et souvent, lorsqu'il fait partir les protagonistes, il leur propose d'abord de s'asseoir avec ceux qu'ils vont quitter. Leçon pour aujourd'hui, dans le mouvement même, il faut savoir marquer l'arrêt. Bon, revenons bien en amont de la Révolution et de l'émigration. Xavier, tout jeune capitaine, badine avec sa maîtresse. Du badinage au duel à l'époque, il n'y a pas si loin. Philippe Soupeau, de Rochef. Il suit avec passion et non sans inquiétude les débuts de la Révolution française. Il voit arriver à Turin le comte d'Artois, le futur Charles X, fuyant Paris avec sa suite d'émigrés. Pourtant, selon l'esprit de l'époque, il se prépare en 1790 à fêter le carnaval de Turin. À la veille de ces fêtes, dont il attend de grands plaisirs, il croise le fer avec un officier piémontais. Il sort vainqueur de ce combat, mais il est mis aux arrêts de rigueur pour 42 jours. Il écrivit plus tard que cette punition eut une grande influence sur sa destinée. « Je dois à la vérité d'avouer, précise-t-il, que dans ma première jeunesse, j'ai fait consciencieusement la vie de garnison, sans songer à écrire et rarement à lire. Il est probable que vous n'auriez jamais entendu parler de moi sans la circonstance qui me fit garder les arrêts pendant quelque temps. Ainsi, pour se distraire, il tente un voyage autour de sa chambre, une méditation. Dès le début de son livre, il le donne le ton et trouve les nuances qu'il propose pour son ouvrage. Je pourrais commencer l'éloge de mon voyage par dire qu'il ne m'a rien coûté. Cet article mérite attention. Des milliers de personnes qui, avant moi, n'avaient point osé, d'autres qui n'avaient pu, d'autres, enfin, qui n'avaient pas songé à voyager, vont s'y résoudre à mon exemple. L'être le plus indolent hésiterait-il à se mettre en route avec moi pour se procurer un plaisir qui ne lui coûtera ni peine, ni argent. Courage donc, partons. Le premier des lecteurs de voyage autour de ma chambre, c'est René Clermont. On notera que Xavier de Maistre, s'il est privé de sa maîtresse, ne l'est pas de son domestique, monsieur Johannetti, auquel il prête beaucoup plus d'attention que d'habitude. Il est même prêt à rembourser les sommes que Johannetti paye pour assurer la vie courante, alors qu'il n'a pas même touché ses gages. Xavier de Maistre lui fixe la veille, l'heure de son lever, et lui recommande de s'affairer une demi-heure avant celui-ci en fourrageant discrètement dans sa chambre. Il peut ainsi se donner au jour lentement. Quand on est libre de s'occuper comme on veut, rien n'est pire que le réveil brutal. Nos auditeurs seront sensibles à cette idée bienfaisante en cette période. Et puis, Johannetti est bien utile aussi pour promener Rosine, habituée aux longues marches. J'ai résolu de parler de ma chère Rosine, aimable animal que j'aime d'une véritable affection, et de lui consacrer un chapitre tout entier. Depuis 6 ans que nous vivons ensemble, il n'y a pas eu le moindre refroidissement entre nous. Ou s'il s'est élevé entre elle et moi quelques petites altercations, j'avoue de bonne foi que le plus grand tort a toujours été de mon côté et que Rosine toujours fait les premiers pas vers la réconciliation. Le soir, lorsqu'elle a été grondée, elle se retire tristement et sans murmurer. Le lendemain, à la pointe du jour, elle est auprès de mon lit, dans une attitude respectueuse, et au moindre mouvement de son maître, au moindre signe de réveil, elle annonce sa présence par les battements précipités de sa queue sur ma table de nuit. Et pourquoi refuserais-je mon affection à cet être caressant qui n'a jamais cessé de m'aimer depuis l'époque où nous avons commencé de vivre ensemble? Ma mémoire ne suffirait pas à faire l'énumération des personnes qui se sont intéressées à moi et qui m'ont oublié. Ma chère Rosine, elle m'aimait jadis et m'aime encore aujourd'hui. Aussi, je ne crains point de le dire, je l'aime avec une portion du même sentiment que j'accorde à mes amis. Qu'on en dise ce qu'on voudra. Deuxième lecteur du voyage autour de ma chambre, Pierre Michael, Archives France Culture, 1981. Donc dans sa chambre, Xavier va de long en large. Avec un peu d'imagination, il peut aller du fin fond des enfers jusqu'à la dernière étoile fixe de la Voie lactée, jusqu'aux confins de l'univers, jusqu'aux portes du chaos. Et dans sa marche, il croise souvent son miroir. Le visage qu'il y voit, est-ce son âme qui se révèle, ou bien tient-il de la bête qui est en tout homme ? Il me serait impossible d'expliquer comment et pourquoi je me brûlais les doigts au premier pas que je fis en commençant mon voyage, sans expliquer, dans le plus grand détail au lecteur, mon système de l'âme et de la bête. Cette découverte métaphysique influe d'ailleurs tellement sur mes idées, sur mes actions, qu'il serait très difficile de comprendre ce livre si je n'en donnais la clé au commencement. Je me suis aperçu par diverses observations que l'homme est composé d'une âme et d'une bête. Je tiens d'un vieux professeur, c'est du plus loin qu'il me souvienne, que Platon appelait la matière « l'autre ». C'est fort bien. Mais j'aimerais mieux donner ce nom par excellence à la bête qui est jointe à notre âme. C'est réellement cette substance qui est l'autre et qui nous lutine d'une manière si étrange. J'ai reconnu clairement que l'âme peut se faire obéir par la bête et que, par un fâcheux retour, celle-ci oblige très souvent l'âme d'agir contre son gré. Dans les règles, l'une a le pouvoir législatif et l'autre le pouvoir exécutif. Mais ces deux pouvoirs se contrarient souvent. Mais il faut éclaircir ceci par un exemple. Lorsque vous lisez un livre, monsieur, et qu'une idée plus agréable entre tout à coup dans votre imagination, votre âme s'y attache tout de suite et oublie le livre, tandis que vos yeux suivent machinalement les mots et les lignes. Vous achevez la page sans la comprendre et sans vous souvenir de ce que vous avez lu. Cela vient de ce que votre âme, ayant ordonné à sa compagne de lui faire la lecture, ne l'a point avertie de la petite absence qu'elle allait faire, en sorte que l'autre continuait la lecture que votre âme n'écoutait plus. Ah, une recommandation si vous prend l'envie de voyager dans votre chambre à la façon de Xavier de Maistre. Ne cherchez pas à marcher au plus court, comme vous feriez par exemple pour aller au travail un jour de grève. Non, vous devez procéder par bond et rebond, par zigzag. Xavier de Maistre n'aime pas les gens qui sont maîtres de leurs pas comme de leurs idées. Allez plutôt de découverte en découverte. Ainsi, sur vos murs, observez un tableau, puis l'autre. Ici, une gravure. Charlotte essuyant les pistolets d'Albert. Xavier se souvient du duel qui lui a coûté ses 42 jours d'arrêt de rigueur. Là, une estampe, une bergère des Alpes dans sa retraite solitaire. Xavier de Maistre se souvient de la Révolution qu'il a chassée de Chambéry. Voyant l'image, il devine le canon qui tonne au loin. Il recommande à la bergère de se réfugier au plus profond d'une caverne. Et puis, n'oublions pas ce ménager des pauses dans le fauteuil. Quel meuble excellent, de la dernière utilité que le fauteuil. Après mon fauteuil, en marchant vers le nord, on découvre mon lit, qui est placé au fond de ma chambre et qui forme la plus agréable perspective. Il est situé de la manière la plus heureuse. Les premiers rayons du soleil viennent se jouer dans mes rideaux. Je les vois dans les beaux jours d'été s'avancer le long de la muraille blanche à mesure que le soleil s'élève. Les ormes qui sont devant ma fenêtre les divisent de mille manières et les font balancer sur mon lit, couleur de rose et blanc, qui répand de tous côtés une teinte charmante par leur réflexion. J'entends le gazouillement confus des hirondelles qui se sont emparées du toit de la maison et des autres oiseaux qui habitent les ormes. Alors, mille idées riantes occupent mon esprit, et dans l'univers entier, personne n'a un réveil aussi agréable, aussi paisible que le mien. J'avoue que j'aime à jouir de ces doux instants et que je prolonge toujours autant qu'il est possible le plaisir que je trouve à méditer dans la douce chaleur de mon lit. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Diana Damrau interprète Nuit d'étoiles de Claude Debussy. Et à la harpe, c'est qui à la harpe? Xavier de Maistre, bien sûr, alors un membre plus récent de la même famille savoisienne de Maistre qui est devenue française. Xavier a d'ailleurs été le premier musicien français à intégrer le Philharmonique de Vienne. Mais alors revenons à l'ancêtre, à l'auteur du Voyage autour de ma chambre qui nous retient aujourd'hui et qui aimait faire la nuit le jour. J'étais assis près de mon feu après dîner lorsque les vapeurs de la digestion se portant à mon cerveau obstruèrent tellement les passages par lesquels les idées s'y rendaient en venant des sens que toute communication se trouva interceptée. Et de même que mes sens ne transmettaient plus aucune idée à mon cerveau, celui-ci, à son tour, ne pouvait plus envoyer le fluide électrique qui les anime, et ma tête tomba sur ma poitrine, et comment les muscles du pouce et de l'index de la main droite, n'étant plus irrités par ce fluide, se relâchèrent au point qu'un volume des œuvres du marquis Caraccioli, que je tenais serré entre ses deux doigts, m'échappa, sans que je m'en aperçusse, et tomba sur le foyer. Je venais de recevoir des visites, et ma conversation avec les personnes qui étaient sorties avait roulé sur la mort du fameux médecin Signa, qui venait de mourir et qui était universellement regretté. Il était savant, laborieux, bon physicien et fameux botaniste. Je m'acheminais insensiblement à une dissertation sur la médecine et sur les progrès qu'elle a fait depuis Hippocrate. Je me demandais si les personnages fameux de l'Antiquité qui sont morts dans leur lit, comme Périclès, Platon, la célèbre Aspasie et Hippocrate lui-même, étaient morts comme des gens ordinaires, d'une fièvre putride, inflammatoire ou vermineuse, si on les avait saignés et bourrés de remèdes. Dire pourquoi je songeais à ces quatre personnages plutôt qu'à d'autres, c'est ce qui ne me serait pas possible. Qui peut rendre raison d'un songe? Il y a le songe, il y a la rêverie, il y a le rêve. Rousseau, le voisin genevois de Xavier de Maistre, est passé par là avec ses rêveries d'un promeneur solitaire. Quant au rêve, au XVIIIe siècle, on vient de l'entendre, on insiste encore beaucoup sur le poids des souvenirs du jour dans leur composition. On devine déjà que si nos souvenirs de la journée ne sont pas assez forts pour imprimer nos rêves, il nous reste les ressources de notre imagination. Rêverie, rêve, songe, Xavier de Maistre insiste sur la seconde vie qu'ils offrent à qui ne dispose pas de la liberté de se mouvoir. Rêver, c'est dépasser l'immobilité. 42 jours d'arrêt de rigueur, c'est autant de nuits, de sorties, de soi. Mais toute bonne chose a sa fin. Quelle tenue dois-je apporter à monsieur? Pourquoi cette question, Johannetti? Monsieur ne doit-il pas sortir aujourd'hui ? C'est aujourd'hui, donc, que je suis libre, ou plutôt que je vais rentrer dans les fers. Le joug des affaires va de nouveau peser sur moi. Je ne ferai plus un pas qui ne soit mesuré par la bienséance et le devoir. Heureux encore si quelque déesse capricieuse ne me fait oublier l'un et l'autre, et si j'échappe à cette nouvelle et dangereuse captivité. Cependant, jamais je ne me suis aperçu plus clairement que je suis double. Pendant que je regrette les jouissances imaginaires, je me sens consolé par force. Une puissance secrète m'emporte. Elle me dit que j'ai besoin de l'air du ciel et que la solitude ressemble à la mort. Me voilà paré. Ma porte s'ouvre, j'erre sous les spacieux portiques de la rue. 1000 fantômes agréables voltigent devant mes yeux. Oui, voilà bien cet hôtel, cette porte, cet escalier. Je tressaille d'avance. C'est ainsi qu'on éprouve un avant-goût acide lorsqu'on coupe un citron pour le manger. Oh, ma bête, ma pauvre bête, prends garde à toi. Xavier Demestre n'arpentera pas longtemps en toute liberté le pavé de Turin. Bonaparte, en 1796... écrase les troupes de la famille de Savoie. Xavier, comme Joseph son frère, devra se résoudre à émigrer en Russie. Quant à la chambre du voyage, il semble qu'elle sera détruite par la guerre avec les Français. « J'avais préféré m'occuper de ce voyage dans un autre temps », dit-il. En même temps, il ne veut finir aucun de ses chapitres sur une note triste encore, Xavier Demestre, enfin, celui d'aujourd'hui, le harpiste. Xavier Demestre, enfin celui de 1795, c'est un des inventeurs du genre littéraire, du voyage humoristique. Voyage autour de ma chambre est séminal. Le voyageur sérieux qui va d'un point à l'autre est pour lui le premier motif de raillerie. Il s'agit, en n'allant nulle part, de rester immobile. Et pourtant, sans bouger, Xavier Demestre laisse un sillage. On pourrait citer Alphonse Karr, Voyage autour de mon jardin. Théophile Gautier, Voyage hors barrière. Les frères Goncourt, ça c'est d'actualité en ces temps de grève. Voyage du numéro 43 de la rue Saint-Georges à Paris au numéro 1 de la rue Lafitte. Essayez. Plus récemment, il y a eu Intérieur de Thomas Clair. La création radiophonique elle-même a imité Xavier Demestre. En 1979, un ACR mémorable de Suzanne Rosenberg et Thierry Kunsel, s'en va visiter dans son deux pièces Raymonde, qui vit avec non pas seulement un chien comme maître, mais deux chiens, 8 chats et un ménat. Taisez-vous donc ! Taisez-vous. Quelle cocotte ! Crie pas ! Tout le temps tu cries comme ça. C'est un cri de personne. T'as fini ? Oh merde ! Elle passe, elle passe, elle passe. Oh, rigole, ma chérie. C'est rigolo, hein ? Faut pas faire un coup de bec dans les yeux, j'ai toujours pas qu'à foutre un coup de bec. Vous pousse ! Vous pousse ! Bonjour, bisous ! Ah, elle en veut à son bijou. Oh, c'est moi qui apprends à dire ça. Elle disait bonjour Coco au début, puis ça c'est fini, elle le dit plus. Parce que les ménades, c'est ça. Elle va dire un mot qu'elle ne redira jamais plus. Un jour, j'ouvre la radio, le speaker qui était là, voilà, je ne sais pas ce qu'il dit, il dit « Bonjour, mesdames, pourquoi ?» Elle s'est mise à dire « Bonjour » derrière. Ça a été fini, elle n'a plus dit. Parce que je me cause tout haut, toute seule. Je me fais mes réflexions toute seule, naturellement, personne pour me répondre. Je fais mes réflexions toute seule. Tiens, je vais mettre ça là, je déplace l'armoire ou le machin, puis j'ai un beau confiturier, hein. Il est joli, hein. Vous pouvez le soulever, hein, ça. Vous pouvez le soulever. C'est que du chêne. C'est un Louis XIII sec du chêne. C'est un petit confiturier Louis XIII sec du chêne. On sent, on voit le bois. En comparaison, j'ai payé ça 400 000. Je crois que je me suis fait avoir. J'arrive à force à savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Mais quand on achète, c'est comme par exemple, j'achète une machine. Il y en a partout, les machines à coudre. J'achète une machine. Oh, je vois la beauté de la machine. Bon, c'est une belle table. Alors, c'est du bois solide, un machin solide. C'est solide, j'achète la machine. Oui, mais moi qui m'y connais depuis l'âge de 14 ans, que je pique sur les machines, je les connais, toutes leurs marques et tout. Mais ce que je n'ai pas regardé, c'est que j'aurais dû soulever la machine et regarder ce qui faisait marcher. Le principal de la FAF, n'est-ce pas, des FAF modernes, c'est le machin qui fait marcher la canette. C'est de l'acier, c'est sûrement de l'acier. C'est une fine couche d'acier qu'au bout de 2 ans, c'est le maniement de la canette, comme ça, tout le temps, comme ça, ça s'appelle le vis, je sais plus, c'est un nom. Pouf, pouf, pouf, pouf. Ça y est, c'est usé. Et il est foiré, il faut en mettre un autre. Là, on m'a prêté une, mais j'ai peur d'avoir marché, j'ai pas 3 mois. Alors, me voilà encombré de machines, en voilà une, en voilà deux, en voilà une troisième dans la chambre, et puis voilà. On ne réfléchit pas assez avant d'acheter les choses. Moi, je suis comme ça, je me jette toujours sur tout. Je me jetais sur une cafetière électrique, sur moi la dixième. Je me suis jeté sur une cafetière électrique. Bon, l'autre jour, je dis, c'est pas possible. Le café, il est tout neuf, j'ai acheté à Noël. Je dis, mais c'est pas possible. On dirait que le café, il sort de la cafetière par en bas. Je regarde bien, non, c'est parce que j'avais mal mis le truc. Alors, au fur et à mesure que ça descendait, pouf, ça éclaboussait contre le mur. Je la regarde, hein, je dis, elle va pas, elle me plaît plus déjà, hein, il y a un mois que je l'ai. Ça me, les cafetières, j'ai la folie des cafetières. J'en ai une demi-douzaine, j'en ai à fil, j'en ai à toutes les cafetières que je vois, je m'en achète. J'en avais une petite en terre, j'ai cassé le haut, faut que j'en retrouve une autre. J'ai la folie des cafetières, parce que chaque fois que je fais du café, je me dis, c'est pas cette cafetière-là qu'il faut, doit y en avoir une autre pour faire un café encore mieux. Je cherche tout le temps. Alors comme ça, ça fait changer un peu le matériel. Change le matériel. Des fois, je pense toujours aux gens qui s'ennuient quand ils sont tout seuls. Il leur faut ou une bande de maris, ou une bande d'enfants, une bande de chats, ça c'est pas toujours dit. Ça je les approuve quand ils ont une bande de chats, une bande de chiens. Ils s'ennuient tout seuls. Moi, je suis toujours en train de faire quelque chose. Quand on m'appelle au téléphone, j'arrive. Ah, qu'est-ce que tu faisais? Oh, je suis toujours occupée. Fabrice Druel, écoute Madame Raymonde, bonjour. Vous devez vous dire qu'on est devenu bizarre. On s'est dit qu'on serait mieux dans notre chambre, où on pourrait se faire des réflexions tout seul, comme Xavier de Maistre le faisait en 1795 dans ce livre qui a été notre thème, Voyage autour de ma chambre, qui est disponible chez Flammarion. Cette émission était préparée par Franck Olivard, évidemment à la réalisation Juliette Gou. Et à la technique, Selim Guerribi. Et chez vous, redevenons graves. Vous connaissez peut-être la ville de Perugia. Oui. Capitale de l'Ombrie, ville magnifique. Oui, mais je suis moins lié à l'Italie que vous. C'est dans ce décor idyllique que un fait divers terrible s'est passé, le meurtre d'une étudiante, dont une autre étudiante américaine, celle-là, Amanda Knox, a été accusée. C'est l'affaire Amanda Knox. Elles auraient mieux fait de rester chez elles. Oui, aux États-Unis, en Angleterre.